franceinter.fr. À votre écoute. Coûte que coûte. À votre écoute, coûte que coûte. Anima sana. In corpore sano. Un esprit sain dans un corps sain. L'esprit, c'est elle. Le corps, c'est lui. Docteur Philippe et Margaret de Beaulieu. Albigeoise, Albigeois, oyez, oyez, nous parlons de vous et de votre ville, Albi, la Belle, où l'on peut visiter le musée Toulouse-Lautrec, qui est dédié eh bien, aux œuvres d'Henri de Toulouse-Lautrec. Oh, c'est fou ça, qu'ils aient le même nom. Mais bon, parfois, les choses sont bien faites. Alors, Florence nous appelle de cette superbe cité ensoleillée pour nous... Pourquoi, au fait, d'ailleurs? Bonjour Florence. Bonjour docteur. Philippe. Bonjour Margaret. Bonjour Florence. Alors, anima sana ou corpore sano? C'est pour ma fille que j'appelle. En fait, je suis inquiète. Je me pose des questions sur la façon de gérer cette crise, enfin, ses angoisses. Elle est mignonne. Elle a peur de quoi, la petite pitchoune? En fait, elle refuse d'aller à l'école et elle dort très mal. Elle dit qu'elle a peur que des gens viennent et la tuent. Enfin, vous voyez avec ce qui s'est passé dernièrement. Enfin, on l'a peut-être trop laissé regarder les actualités. Pourquoi? Il s'est passé quoi? Les tueries atroces dans la région. Ah oui! Ah. Oui, mais faut lui dire que bah, ça y est, le méchant, il a été tué. Ah bah non, en fait, non, il faut pas parler de la mort aux enfants, jamais. Hein. Alors là, c'est la psychothérapeute hein, qui vous le dit. Non, vous lui dites que le méchant, il est envoyé dans une forêt magique dont il ne peut s'échapper, comme le grand méchant loup. Mais elle le sait qu'il est mort, elle a 9 ans. Puis elle parle avec ses copains. Ah, c'est un gros problème, ça, qu'on n'arrive pas à gérer. Ils parlent entre eux, quoi. Bon, bah, puisque vous avez dit à votre petite chérie qu'il était mort, vous lui expliquez que du coup, il ne peut plus rien lui arriver. Oui, mais si c'est pas parce qu'un criminel est tué qu'on n'a plus peur. Oh, bah, quand même, ça en fait un de moins. Oui, c'est une forme de peine de mort, ça résout rien. D'accord. Donc, vous préférez en fait qu'on juge les criminels, qu'on les condamne et qu'on les mette en prison un petit moment, et puis alors après ils ressortent les mains dans les poches en sifflotant, hein? Puisque je vous rappelle que la peine de mort n'existe plus en France. Heureusement. Moi, je ne veux pas vivre dans un pays qui tue des gens. Pardon, Florence. Est-ce que votre petite fille vous a déjà entendu dire que vous ne vouliez pas qu'on tue les méchants? Il n'y a pas bien tué ou mal tué. Si un individu n'a pas le droit de tuer un autre individu, je ne vois pas comment un État peut décider de le faire légalement. Ah non, mais il ne s'agit pas de tuer des innocents, madame. Il s'agit de tuer des gens qui ont tué des innocents, madame. La loi du talion. Tu as volé, je te coupe la main. Tu as violé, je te coupe. Oui, non, madame. En tout cas, dans certains pays, ça fonctionne très bien. Et si on se rend compte qu'en fait, ce n'est pas lui le voleur et qu'on n'aurait pas dû lui couper la main? Oui. Alors d'abord, en un, vous lui dites... Bon, ben, écoute, pardon, parce qu'il s'est avéré que c'était pas vous. En deux, vous lui dites encore vraiment désolé, hein, pour le. Et en trois, si on s'est très vite rendu compte qu'il était innocent, alors là, vous lui dites je suis médecin, on va vous recoudre tout ça, et encore vraiment désolé pour le dérangement. Et la tête du guillotiné, vous lui recousez comment? Non, ah oula, ne soyez pas passéiste, madame, on est en 2012, alors la guillotine. Oui. Il existe aujourd'hui des méthodes plus propres et plus hygiéniques. Hein. Ah bon, donc on peut tuer quelqu'un de manière propre? Ah bah oui, je vous assure. Il y a l'électrocution, la chambre à gaz, l'injection létale, qui, selon moi, est la plus respectueuse de la vie. Non mais là, j'étais ironique en fait. Allô? Allô? Oui, madame. Je ne suis pas sûre que ce soit un sujet qui souffre l'ironie, justement. Je rappelle qu'on ne peut pas rire de tout et que ce genre de second degré peut provoquer de grandes angoisses chez votre petite chérie. Mais je ne pense pas que ce soit moi qui provoque des angoisses chez ma fille. Et elle a beau avoir 9 ans, et c'est très bien être ironique si elle veut. Oui, bah elle a de qui tenir, visiblement. Mais vous me dites quoi, là? Non, rien. Madame, vous aimez votre fille, c'est ce que vous avez de plus cher, et vous ne la vendriez pour rien au monde, par exemple. Eh bien... Imaginez un instant qu'une personne mal intentionnée l'enlève, la viole, lui coupe les doigts et que vous retrouviez son corps dans un camion frigorifique, c'est un exemple. Vous n'aurez pas envie que cet homme soit tué pour ça? Mais bien sûr que si, mais si, mais s'il arrivait une chose pareille à ma fille, bien sûr, je souhaiterais que le type qui a fait ça subisse les pires souffrances. C'est normal, je suis sa mère. Mais ça, c'est un sentiment de vengeance. Et ce que j'attends de mon pays, c'est pas qu'il me venge, c'est qu'il me rende justice. Vous ne voudriez pas que la justice tue cet homme, madame ? Non, madame. Alors qu'il a coupé, violé et tué les doigts de votre fille. Je vous trouve très dure avec votre petite princesse qui ne doit pas se sentir très protégée par sa maman. Je protège très bien ma fille et je pense pas que la peine de mort nous protège de quoi que ce soit. Il n'y a pas moins de criminalité dans les pays où elle est encore appliquée. Et puis, de toute façon, Dieu merci, en France, ça fait partie du passé. Oui, laissons Dieu en dehors de tout ça, madame. Mais il y a certaines candidates dont je tairai le nom qui ont mis à leur programme la possibilité d'un référendum sur cette question. Et il me paraît judicieux de laisser le peuple décider. Alors moi, je pense justement que c'est à nos dirigeants de décider, parce que ce sont eux qui sont censés prendre de la hauteur et pas agir par passion. Ah bah d'accord, bonjour la démocratie. Mais qu'est-ce qui s'est passé quand Mitterrand abolit la peine de mort ? Je vous rappelle qu'à l'époque, une majorité de la population française était contre, alors que maintenant, ça paraît évident pour tout le monde. Pas pour tout le monde, non, merci bien. Et je suis sûre que si elle pouvait parler, votre petite fille ne serait pas du tout d'accord avec ça. Et oui, surtout que les tueurs d'enfants sont récidivistes, et ça a été prouvé scientifiquement. Alors, un conseil pour nos auditeurs, si vous croisez un individu présentant deux yeux très rapprochés, un front bas, un menton en galoche et des dents très courtes, surtout ne lui confiez pas vos enfants. Hein ? Alors, par contre, il faut que tous ces signes particuliers soient réunis. Si l'individu ne présente qu'un seul de ces signes, vous pouvez y aller en toute confiance. Hein. Sauf s'il s'agit des dents très courtes. Voilà. Enfin, de manière générale, évitez les personnes dont la surface de gencive est supérieure à la taille des dents. Et les professeurs d'EPS. N'importe quoi. Mais c'est vrai qu'avec tes connaissances en morphopsychologie, Philippe, on pourrait carrément condamner les criminels à mort avant même qu'ils aient commis leur crime. Bah voyons. Oui, madame, vous avez vu Minority Report ? Oui, oui. Mmh. Et la dernière marche ? Oui. Est-ce que vous avez vu Rasta Rocket ? Mais... Le jour où le soleil ne brillera que pour nous ? J'en sais rien, peut-être, enfin, ce que je voulais dire. Oui, eh ben ça m'étonnerait parce que je viens de l'inventer. Bande de malades ! Oui, bon, c'est sûr qu'en ne me laissant pas aller jusqu'au bout de mes arguments, je risque pas d'avoir changé d'avis, hein ? Oui, mais ça, Margaret, quand quelqu'un a décidé de pas comprendre... Bon, en tout cas, je préfère prendre le risque, pour ma part, de condamner à mort un innocent que prendre celui qu'un criminel condamne à mort un de mes enfants. Voilà. Oui, parce qu'à ce moment-là, on n'a qu'à fermer toutes les prisons de peur d'y mettre des innocents par erreur. Et là, c'est l'anarchie, le chaos, la mort. Et merci, messieurs Mitran et Badinter. Oui, alors je citerai Paul Toupin, qui nous a dit « La justice est comme le pape, infaillible ». Oh oui. Et oui. Et merci à Yann Choquet, qui est infaillible lui aussi, quand il nous met en onde. Merci Philippe. Merci Margaret. Au revoir. Au revoir. À votre écoute, coûte que coûte. C'est aussi vos commentaires sur franceinter.fr. Dans un instant, carnet de campagne avec Philippe Bertrand.